Se prepara aquí por Barcelona, todo para el sur. De fondo se escucha el tema del Jul. Yo consumo de manzana, boli, me llevan Red Bull. Por si acaso tengo fuga de un azul. Conozco a los que hacen todo y los que reparten pastel. El de los ojos me enseña a crecer. A veces no hablo mucho, escucho para aprender. Por eso con la gente suelo estar. Y yo siempre preparado, con los coches tan parados. La street se escucha en el juzgado. Y es que tú quieres estar, pero es que tú no eres callado. Calla en Marsella, no le gusta motizado. De la TV, siendo un delito leve. Hablar no es tú, te atreves. Si es por tomar la nieve. Barcelona ya se ve, Barcelona se quiere. En el mapa se mueve. Nadie lo sabe, Manolo. Nunca le vendas chuche a un picolo. Pájaro baila, mueve toda la sola. Un grupo no grupo sin Motorola. Hola. J'fume du Camber Syndica. J'fume du Le Spice Sativa. Tu veux plus qu'on se parle samedi va. J'dope la semaine samedi, j'vois ma diva. Aquarium, gros aquarium. On a tous enfumé la villa. Et quand on a un secret, on dit pas. Là j'ai cassé la Rolex à 10K. Et j'écoute du Zoko Zoko. Et j'leur fais la yoga yoga. J'fais mal comme un toka toka. Mais sans à la djonga djonga. Pourtant tu fais trop le costaud. À la base t'es mignon comme tout. J'aime pas les gens ouais comme toi. Les mythos jaloux comme tout. Beurre dans la boca boca. RDV avocat avocat. Pas le nez dans la coca choca choca. J'fais de l'or pas de toka toka. Une cacoule une bacon. Oh j'nous les affiches les cœurs. Dans le bloc ça job avec Shaitan. Même s'il est clean teeter. Quand il a un peu trop bu. Poto il pisse deux heures. S'il écarte dans les taulards. Tu les vois, tu fais des crises de peur. Je les ai tous vus changer moi quand j'ai brillé. J'ai vu le visage de certains quand j'ai trié. Plaqué 13 à Barcelone, on est crié. Pour qu'il m'arrive du mal, y'en a qui ont prié.